Les inattendus de la science, c'est avec vous Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On commence avec les lunettes, car ceux qui portent des lunettes seraient plus intelligents. Et vous devez le savoir Eric. En tout cas, la grosse tête, on la voit souvent avec des lunettes, c'est vrai, mais il y a peut-être une explication scientifique. Sur les photos, on met même des lunettes aux animaux pour leur donner un côté intello. Plusieurs études menées sur des enfants, notamment, semblent montrer qu'il y a une relation entre des scores élevés de QI et la myopie. Des chercheurs se demandent s'il n'y a pas un lien entre la longueur axiale oculaire et le développement cérébral. Autre hypothèse, que ce soit les mêmes gènes qui influencent le QI et la myopie. Le génome de 300 000 personnes a été étudié. Résultat, il y a 28% plus de chances pour qu'une personne ayant un niveau cognitif élevé ait également besoin d'une correction de sa vision. Mais attention, les études ne sont pas suffisantes pour dire qu'il y a un lien direct entre intelligence et mauvaise vue. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Moi non plus, j'ai rien compris. J'ai tout compris, moi. Les hippopotames à présent, Fabienne, les déjections d'hippopotames tuent les poissons. Dans certaines rivières d'Afrique, la concentration d'hippopotames est tellement élevée qu'ils asphyxient les rivières. Deux biologistes de l'université de Yale aux États-Unis ont cru avoir affaire au Kenya à une pollution massive. Des milliers de poissons morts pourrissaient sur la rive, sur une centaine de kilomètres. Le coupable a été identifié, c'est l'hippopotame. Ils viennent de publier leur découverte dans la revue Nature. Pour réguler sa température, l'hippopotame reste en permanence dans l'eau car il est incapable de transpirer. Bref, les hippopotames vont à la piscine où ils se soulage de plus de 9 tonnes de déjections par jour. La décomposition de ces déjections asphyxie les rivières, produit de l'ammoniac, du sulfure d'hydrogène et étouffe les poissons. Pour les chercheurs, il ne faut pas s'affoler car le phénomène s'inscrit dans un cycle naturel. Les carcasses de poissons nourrissent les hyènes et les crocodiles qui s'empiffrent joyeusement de ce festin inattendu. Après les hippopotames, les bonobos, tiens. Les femelles bonobos accompagnent la future maman au moment de l'accouchement. Les humains, Eric, ne sont pas les seuls à accompagner les futures mamans. Vous avez remarqué quand vous êtes enceinte pour la première fois, vous êtes pleine de doutes. Vous demandez à vos mères, à vos grandes sœurs, à vos copines qu'on a déjà eu, vous racontez. On oublie, tu verras. Trois naissances ont pu être filmées chez des bonobos dans des jardins zoologiques. Le bonobo est un grand singe qui est considéré comme le plus proche parent des humains avec le chimpanzé. Lors de l'accouchement, des femelles bonobos se tenaient à proximité de la future mère et fournissaient protection et soutien. Les accompagnatrices ont également fait des gestes laissant penser qu'elles étaient prêtes à tenir le bébé au moment de l'expulsion. Pour les chercheurs, les similitudes observées entre les bonobos et les humains seraient liées à l'importance de la vie en groupe. Allez, on va s'intéresser aux volcans pour terminer, parce que les volcans pourraient nous en apprendre davantage sur la vie extraterrestre. Oui, c'est un volcan en particulier, un volcan qui est en mer au large des côtes d'Hawaï, et il intéresse beaucoup la NASA. Quand Dieu il a créé les Martiens, Dieu il aurait pu les faire un peu plus près. Des scientifiques pensent que sur Encelade, la lune de Saturne, et sur Europe, la lune de Jupiter, il y a des océans liquides sous la croûte glacée et des sources hydrothermales. Des geysers ont déjà été observés depuis la Terre. Pour certains biologistes, les toutes premières formes de vie auraient pu voir le jour autour de ces cheminées, sur Terre et peut-être ailleurs. Le mont sous-marin Lo'ii, au large d'Hawaï, est à 975 mètres de profondeur. C'est un volcan hotspot qui rejette du magma en fusion dans les eaux qui l'entourent à des températures proches de celles qu'il y aurait sur Encelade et sur Europe. La NASA va bientôt explorer ce volcan avec un petit vaisseau pour comprendre ce que l'on pourrait trouver sur ces lunes glacées. Les yeux au ciel, donc, et le nez en l'air, c'était les inattendus de la science, et c'est aussi sur franceinter.fr. Merci Fabienne Chauvière.